La Dame de Bayard, par Henri de Brizay. Pendant toute la durée de l'année 1512, la guerre se poursuivait en Italie sans grand résultat, et le roi de France courroucait fort des lenteurs de ses capitaines. Il confia le commandement de ses armées à Gaston de Foix, duc de Nemours, qui était son neveu. Le nouveau général avait à peine 23 ans. Il n'avait encore fait la guerre que sous Trivulse et la Palice, mais il était brave comme Roland, beau comme Amadis, et le soldat l'aimait pour sa jeunesse, sa bonne grâce et sa vaillance. Après avoir débarrassé Milan des Suisses qui l'assiégeaient, Gaston vint à marche forcée jusqu'à Bologne, qu'il enleva la nuit, par une tempête de vent et de neige. Il eut la hardiesse et l'impétuosité qui font les victorieux, et remplit de terreur les meilleurs de l'armée du pape. Comme les Vénitiens s'étaient emparés de Brescia, il marcha contre eux, les tailla en pièces devant les murs, reprit la ville par de rudes assauts, la livra au pillage. Il fit trancher la tête au comte Luigi Avogaro et à ses deux fils, qui avaient trahi leur serment donné jadis au roi de France. Tous ses succès avaient été remportés en 15 jours. Un souffle de terreur passait sur l'Italie, car il faut le dire, le soldat, encore mal discipliné, était dur pour l'habitant, et au cours des pilleries, payait volontiers d'un coup de dague ceux ou celles qui commettaient la folie de se plaindre. Néanmoins, nous allons conter une histoire qui prouvera que dans ces temps, on rencontrait encore parfois des hommes pleins de justice et de modération. C'est l'honneur du genre humain et en particulier de cette fin du Moyen-Âge que de tels hommes et de tels actes s'y rencontrent ça et là, au milieu des violences de la guerre et de la barbarie générale des mœurs. Le chevalier Pierre de Bayard, seigneur du Terrail, faisait partie de l'armée de Gaston. C'était une fleur de chevalerie et son renom s'étendait des Alpes à la Sicile. À Fornoux, il avait eu 2 chevaux tués sous lui. Plus tard, il était entré seul à Milan, et cette audace lui avait valu de la part de Ludovic le Mort les compliments les plus flatteurs et les propositions les plus brillantes. « Je n'ai qu'un maître au ciel qui est Dieu, et un maître sur terre qui est le roi de France, » répondit le bon chevalier, et Sforza le laissa partir en le comblant d'honneur et de présents. Chaque combat était pour lui l'occasion d'une nouvelle gloire. À Barletta, il défendit un pont tout seul contre une armée. À Gênes, à Agnadel, à Padoue, il fit l'étonnement de tous ces vaillants, pourtant coutumiers de prouesse. Bayard avait été grièvement blessé à l'assaut de Brescia. Un coup d'arquebuse lui avait rompu la cuisse, et il se sentait si mal accommodé qu'il dit au seigneur de Mallard, qui combattait à côté de lui, « Compagnon, faites marcher vos gens, la ville est gagnée. Pour moi, je n'irai pas plus loin, car je suis mort. » Il resta longtemps appuyé contre une poterne à moitié démolie, près de laquelle on l'avait tiré afin qu'il ne fût pas foulé par cette quantité de gendarmes et de gens de pied qui pénétraient dans la cité conquise. Bayard, tout doucement, attendait la mort. Il avait bien dévotement fait toutes ses oraisons, et tranquille désormais, sans reproche et sans peur, il était tout prêt à paraître devant le tribunal de Dieu. Pointel, son écuyer, qui le cherchait depuis 1 heure, le trouva enfin en cette posture. Il se mit aussitôt à gémir et à se lamenter en voyant son maître en si méchant état. « Pointel, Pointel, dit-il, il n'y a point de pitié à avoir sur moi. Je meurs ayant fait tous mes devoirs, et souhaite pareil mort à tous ceux qui, en la chrétienté, ont reçu ordre de chevalerie. » Pointel, ayant appelé 2 archers, fabriqua avec des lances et un manteau une sorte de civière, et fit transporter son maître dans la plus belle maison qu'il put découvrir. C'était le logis d'un fort et gentilhomme qui avait fui piteusement à l'approche des Français. Mais sa femme était demeurée à la maison avec 2 filles d'une grande beauté qui, aussitôt qu'elles entendirent frapper à la porte, allèrent se réfugier au grenier où elles se cachèrent sous des bottes de paille et de foin. La mère descendit très vite et vint ouvrir, car il n'y avait pas à tenter de résistance. Le bon chevalier fut porté en une fort belle chambre où la dame du logis le mena elle-même. Quand on l'eut désarmé et bien arrangé sur le lit, voilà que cette dame, se jetant à genoux, commença à l'implorer, mais dans un si mauvais langage français que Bayard ne pouvait rien démêler de ce qu'elle demandait. Le blessé lui dit alors en italien qu'il parlait et comprenait cette langue, et voilà ce que lui disait cette pauvre femme. « Noble seigneur, je sais bien que cette maison est à vous avec tout ce qu'elle renferme de par le droit de guerre, mais je vous supplie de me sauver l'honneur et la vie, et de prendre sous votre protection mes 2 filles, afin que personne ne les offense. » Bayard lui répondit, « Madame, je ne crois guère échapper à cette grande plaie qui me fait bien souffrir, mais tant que je vivrai, à vous ni à vos filles, il ne sera fait déplaisir. Gardez-les seulement en vos chambres, qu'elles ne se montrent point, et je vous assure que personne n'entrera en la maison sans votre consentement. » Puis il donna ordre à Pointel de faire garder la porte de la rue par les deux archers qui l'avaient amené, et toute chose ainsi réglée, il pria qu'on le laissât seul, afin qu'il pût reposer un peu. Quand la bonne dame le vit parler et agir de cette sorte, elle fut toute rassurée. Elle supplia de lui laisser quérir un chirurgien pour le venir panser. Il y consentit, et elle se rendit elle-même avec un des archers à la demeure du chirurgien qui était voisine. Cet homme, qui était paraît-il fort savant, visita la plaie du bon chevalier. Il la trouva grande et profonde, toutefois il l'assura qu'il n'y avait nul danger de mort. Monseigneur Gaston, qui avait en grande estime le sire de Bayard, lui envoya le lendemain son propre chirurgien, appelé maître Claude, qui depuis le pansa et le soigna avec beaucoup de sollicitude. Mais pendant 5 ou 6 semaines, il fut malade et obligé de garder le lit. Un jour, comme il se trouvait seul en sa chambre, il voulut se lever pour voir s'il pourrait se soutenir. Après un pas ou deux, il tomba par terre, où il demeura privé de sentiments. La dame, prévenue par Pointel, qui avait trouvé son maître en cet état, envoya aussitôt quérir le chirurgien, qui, dès que le bon chevalier fut revenu à la vie, lui fit de grands reproches sur sa témérité. Mais Bayard, qui avait chaque jour des nouvelles du camp des Français, savait qu'une bataille se préparait, et il enrageait en pensant qu'il n'y serait peut-être point. Il répondit donc à maître Claude, « Mon ami, dites-moi s'il n'y a point de danger à me mettre en chemin. Il me semble que je suis guéri ou peu s'en faut, bien que je sois encore bien faible. D'ailleurs, je ne puis demeurer plus longtemps ici, et mon séjour, s'il se prolongeait, me serait certainement plus nuisible que profitable, car je ne me tiens plus d'impatience. » Le chirurgien, qui connaissait bien l'homme auquel il avait affaire, lui dit, après s'être un peu défendu, « Monseigneur, votre plaie n'est pas encore close. Toutefois, à l'intérieur, elle est guérie, et moyennant que tous les jours, le matin et le soir, votre barbier vous panse avec un baume dont je lui donnerai la recette, votre état n'empirera point. Il n'y a en effet nul danger, car le grand mal de la plaie est au-dessus et ne touchera point la selle de votre cheval. » On aurait donné 100 000 écus au bon sire qu'il n'eût pas été si content. Il résolut de partir dans 2 jours et commanda à ses gens de préparer les équipages. Mais pendant ce temps, dans une autre partie de la maison du seigneur Arrighi, c'était le nom du gentilhomme italien, une autre scène se passait qu'il nous faut rapporter. Regina et Bianca, les 2 jeunes filles du logis, discutaient entre elles pour savoir laquelle des 2 deviendrait la femme du bon chevalier. Durant les longs jours de la convalescence, elles avaient en effet charmé tour à tour les ennuis du blessé, qui était tout réjoui par leur présence. Elles jouaient merveilleusement du luth et chantaient mieux que sirène. Leur plaisant visage, leur voix, qui semblait une musique, et la pureté de leurs beaux yeux, faisaient prendre patience à Bayard, qui s'ébahissait fort de trouver, pour les remercier, des mots de galanterie et de fleuris compliments qui sentaient plus le poète que le porteur d'estoc. Les pauvres filles, le voyant si rempli de courtoisie, de douceur, de prudomie, finirent par se persuader qu'il aimait l'une d'elles d'amour tendre, mais qu'il n'osait se déclarer de peur de chagriner l'autre. Elles résolurent donc de s'en ouvrir à Bayard lui-même, et dans ce projet, elles firent demander à Pointel si son maître pouvait les recevoir. Le bon chevalier les accueillit avec sa courtoisie accoutumée. Après les premiers mots de politesse, Regina, l'aînée des jeunes filles, prit la parole en ces termes. « Monseigneur, ces 2 pauvres filles, à qui vous avez fait tant d'honneur de les bien garder, viennent requérir de vous grande grâce. Vous plairait-il de nous dire laquelle de nous 2 vous avez choisie comme dame et épouse, vous assurant que celle que vous délaisserez s'estimera encore trop heureuse d'avoir une sœur aussi fortunée? Nous sommes à votre commandement et ferons selon votre bon plaisir. » Quand il eut ouï cela, le sire de Bayard fut bien ébahi. Il répondit aussitôt, « Mesdamoiselles, je suis 1000 fois indigne de l'honneur que vous voulez bien m'octroyer, mais par malheur j'ai une dame déjà à laquelle je serai toujours fidèle, et pourtant, pour la première fois de ma vie, vos beaux yeux m'ont fait regretter mes serments. » En entendant cela, les pauvres filles furent bien honteuses, et sans ajouter un mot, remontèrent à leur chambre où elles purent cacher leur chagrin. Quelques instants après, la dame Arrighi, son hôtesse, entra en sa chambre où elle trouva Bayard, qui se reposait sur une chaise, rêvant encore à l'aventure qui venait de lui arriver. La bonne dame se jeta à 2 genoux, mais incontinent il la releva et ne voulut jamais souffrir qu'elle dît une parole que d'abord elle ne se fût assise auprès de lui. Elle commença ses propos de cette manière. « Monseigneur, je remercie Dieu de la grâce qu'il me fit, à la prise de cette ville, de vous adresser en cette maison, car vous avez sauvé la vie à moi et à mes deux filles. De plus, depuis que vous y arrivâtes, ne m'a été fait, ni au moindre de mes gens, une seule injure. Vos hommes n'y ont pris, des biens qu'ils y ont trouvés, la valeur d'un quatrain sans payer. Monseigneur, je sais que moi, mes enfants et tous ceux de la maison sommes vos prisonniers, pour en faire et disposer à votre bon plaisir, mais connaissant la noblesse de votre cœur, je suis venu vous supplier très humblement qu'il vous plaise d'avoir pitié de nous. » Elle ajouta, en prenant une petite boîte d'acier qu'elle avait mise en entrant sur la table, « Voici un petit présent que nous vous faisons. Plaise à Dieu que vous vous en contentiez. » Alors elle ouvrit la boîte devant le bon chevalier, qui la vit pleine de ducats. Le gentil seigneur, qui jamais en sa vie ne fit qu'à d'argent, se prit à rire et dit « Madame, combien de ducats y a-t-il dans cette boîte ?» La pauvre femme eut peur qu'il ne fût courroucé d'en voir si peu et répondit « Monseigneur, il n'y a que 2500 ducats, mais si vous n'êtes content, nous vous en trouverons plus largement. » Alors il dit « Par ma foi, madame, tous les écus du monde ne vaudront jamais tous les bons soins que j'ai eus séants. En quelque lieu que je me trouve, vous aurez, tant que Dieu me donnera vie, un gentilhomme à votre commandement. De vos ducats, je n'en veux point et vous remercie. Reprenez-les. Toute ma vie, j'ai toujours plus aimé les gens que les écus. » La bonne dame fut bien étonnée de se voir éconduite. « Monseigneur, dit-elle, je me sentirai jamais la plus malheureuse des femmes du monde si vous n'emportiez le petit présent que je vous fais, qui n'est rien au prix de l'obligation que je vous dois. » Quand le chevalier la vit si ferme, il lui dit « Bien donc, madame, je le prends pour l'amour de vous, mais allez-moi quérir vos deux filles, car je veux leur dire quelque chose. » La pauvre femme, qui était bien heureuse de ce que son présent avait été enfin accepté, alla quérir Bianca et Regina, qui se défendirent d'abord, car elles avaient comme une honte à revoir le seigneur français. Elles furent amenées enfin devant Bayard, qui, en les attendant, avait divisé les ducats en trois parties, deux de 1000 ducats et une de 500. Aussitôt arrivées, elles voulurent se jeter à genoux, mais le gentil sire les en empêcha, et Regina commença à dire « Monseigneur, toutes deux, nous vous supplions d'oublier la démarche que nous avons faite tout à l'heure et qui a tourné à notre confusion. C'était grande hardiesse de notre part de nous imaginer que nous étions dignes d'un tel chevalier que vous. » Le bon Bayard, tout attendri de voir tant de douceur et d'humilité en ces deux belles filles, répondit « Mesdemoiselles, vous n'avez pas besoin d'excuses, ni d'augmenter mon regret, car je suis bien empêché par l'amour que j'ai juré à madame. Mais pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi, laissez-moi vous faire un présent qui ne payera jamais les obligations que je vous ai. Voici votre dame de mère qui m'a donné 2500 ducats que vous voyez sur cette table. Je vous en donne à chacune 1000 pour aider à vous marier, et pour ma récompense, vous prierez, s'il vous plaît, Dieu pour moi. » Il leur mit les ducats en leur tablier, qu'elle voulût ou non, puis s'adressant à son hôtesse, il lui dit « Madame, je prendrai ces 500 ducats à mon profit pour les départir aux pauvres couvents de dames qui ont été pillées, et vous en donne la charge, car mieux que moi vous remplirez cet office, et sur cela je prends congé de vous. » Puis il leur toucha à toute la main, à la mode d'Italie, et ils se mirent à genoux, pleurant si fort qu'il semblait qu'on les voulût mener au supplice. Ensuite elles se retirèrent en leur chambre. Aussitôt après le dîner, le bon chevalier ne tarda guère à demander les chevaux, tellement il avait peur de ne pas être à la bataille, qu'il savait devoir être prochaine. Comme il sortait de sa chambre pour monter à cheval, les deux belles filles du logis descendirent et lui offrirent chacune un présent qu'elles avaient ouvré durant sa maladie. Il y avait deux jolis bracelets faits de beaux cheveux de soie, de fil d'or et d'argent, et aussi une bourse de satin cramoisi merveilleusement brodée et travaillée. Grandement, il les remercia, disant que le présent venait de si bonnes mains qu'il l'estimait plus que le prix d'un royaume, et pour plus les honorer, il se fit mettre les bracelets au bras et mit la bourse en sa manche, les assurant que tant qu'il durerait, il les porterait pour l'amour d'elle. Il sauta ensuite légèrement sur le grand cheval noir qu'on venait de lui amener, et qui était celui avec lequel il guerroyait depuis plus d'une année. Alors, ne pouvant se tenir de joie de se revoir en tenue de guerre, il demanda sa lance, qui lui fut baillée, et il commença à donner de l'éperon au cheval, lequel fit 4 ou 5 sauts le plus gaillardement du monde. Puis le chevalier lui donna une petite course en laquelle il rompit sa lance contre terre en 5 ou 6 pièces. « Allons, dit-il, je crois que je pourrais batailler encore. » Puis il tira sa bonne épée et la montrant aux jeunes filles. « Voilà madame à moi, » s'écria-t-il, « rien ne prévaudra jamais contre elle. Je l'ai honorée du mieux que j'ai pu, et elle m'a toujours fait honorer de par le monde, car elle est vaillante et fidèle. Aussi bien, voyez-vous, je ne pouvais recevoir votre foi, étant lié d'un lien qui ne se rompra qu'à la mort. » Ceci dit, il sortit au petit pas de la cour de la maison, après avoir salué bien gracieusement Regina et Bianca, qui ne pouvaient retenir leurs larmes, quelques contraintes qu'elles s'imposassent. Ainsi s'achève La Dame de Bayard par Henri de Brizay,